Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui dans le journal de l'histoire, dites-moi que ça va être détente. Mais non, c'est retour du débat sur les restitutions d'œuvres spoliées détenues par les grands musées occidentaux. La frise du Parthénon, 160 mètres de marbre sculpté au 5e siècle avant notre ère, paraît la partie intérieure du monument jusqu'au début du 19e siècle quand Thomas Bruce, plus connu sous le titre de Lord Elgin, l'a méthodiquement démontée et transportée à Londres où elle se trouve toujours. C'est une des pièces maîtresses, elles y sont pourtant nombreuses, du British Museum. Renommé alors marbre d'Elgin, ce chef-d'œuvre fait l'objet d'une demande de restitution par les autorités grecques depuis 2 siècles, sans succès. C'est donc une controverse qui dure entre la Grèce et le Royaume-Uni. Mélina Mercouri, alors ministre de la Culture grecque, avait fait une campagne poignante au milieu des années 80 pour en obtenir la restitution. Que représente Shakespeare pour l'Angleterre ou la cathédrale Saint-Paul? Que représente le Taj Mahal pour l'Inde? Que représentent les peintures de la chapelle Sixtine pour l'Italie? Les marbres du Parthénon sont notre fierté. Ils sont notre identité. Ils sont liés à l'excellence grecque. Une tribune véhémente au bas mot, signée par Geoffrey Robertson dans The Weekend Australian Magazine, est parue sous le titre « Il est temps de rendre le butin ». Cette tribune ravive le conflit sur la propriété de la frise du Parthénon. Avocat spécialisé dans les droits de l'homme, conseiller de la reine, nul doute que son intervention véhémente devrait faire du bruit. La critique est acerbe concernant les arguments que les musées occidentaux opposent aux demandes de restitution. Le sauvetage d'œuvres majeures en péril ou leur capacité à mettre en valeur un patrimoine non pas national mais universel. Musées qui, je le cite, « enferment le précieux héritage d'autres pays, volé à leur peuple par des guerres d'agression ». Robertson défend l'instruction du dossier sur la base du droit des droits de l'homme et non pas dans le cadre des juridictions nationales, proposition qu'il développe dans son ouvrage intitulé « Who's Own History », ce qui à qui appartient l'histoire. Il en profite aussi pour piquer les partisans du Brexit, nostalgiques de leur empire perdu, qui aspireraient toujours à l'époque où les Britanniques gouvernaient le monde et salue les déclarations d'Emmanuel Macron qui a, selon lui, galvanisé le débat en déclarant que le patrimoine culturel africain ne peut plus rester prisonnier des musées européens. En avril dernier, c'était d'ailleurs le ton d'un discours du président grec Prokopis Pavlopoulos. Il faudrait que les responsables du British Museum viennent et qu'ils voient la différence entre un musée lumineux, ici, et ce que j'appelle la prison obscure, où sont actuellement entreposés les marbres du Parthénon volés par Lord Elgin. Robertson ne se contente pas de déclarations puisqu'il met actuellement en œuvre ses propres prescriptions dans un rapport en préparation sur la restitution des marbres du Parthénon pour le gouvernement grec avec le vœu pieux que cette restitution hypothétique pourrait en encourager d'autres. Le British Museum clame toujours que les marbres ont été acquis légalement auprès de Lord Elgin, un argument qui bat de l'aile puisque ce dernier s'était vu prêter ses œuvres à des fins d'études en omettant de les rendre à leur propriétaire par la suite. Geoffrey Robertson conclut sur le travail d'histoire et de mémoire nécessaire sur l'héritage sombre des empires coloniaux. On ne peut pas refaire l'histoire, mais on ne peut plus en profiter sans honte. On ne peut pas refaire l'histoire, mais on ne peut plus en profiter sans honte. Oui, c'est à retenir. Tous les liens utiles et la tribune sont à retrouver sur la page du journal de l'histoire. C'est sur franceculture.fr.